Bonjour et bienvenue sur Radio Duo 89.5. Si vous nous rejoignez en ce mercredi 13 décembre, nous sommes le deuxième mercredi du mois et c'est le rendez-vous mensuel du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Je précise que depuis la rentrée, la plage horaire des émissions du GREMOS a changé. Nous vous donnons désormais rendez-vous le deuxième mercredi de chaque mois à 17h. Sachez aussi que vous pouvez réécouter toutes les émissions du GREMOS sur le site de Radio Duo dans l'onglet podcast, mais aussi sur le site du GREMOS. Vous pouvez également retrouver les liens des dernières émissions sur notre page Facebook. Pour cette dernière émission de 2023, nous accueillons l'historien et géographe Maurice Bedouin, ainsi que Grégory Charbonnier, responsable du service Ville d'Art et d'Histoire de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Vous serez accompagné pendant cette émission par Antoine Vernet, historien et membre du GREMOS, qui va animer cette rencontre. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue donc sur les ondes de Radio Duo en ce 13 décembre 2023. Donc nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à une thématique qui nous occupe au sein du GREMOS depuis quelques semaines, quelques mois même maintenant, autour de la question du logement, logement ouvrier, logement populaire. Et aujourd'hui, donc, nous allons, avec Maurice et avec Grégory Charbonnier, revenir sur un projet, une initiative conjointe entre le GREMOS et le service Ville d'Art et d'Histoire de Saint-Étienne, autour justement d'une promotion de ce logement et en particulier du logement ouvrier. Donc bienvenue à vous deux, bienvenue Grégory dans le cadre de cette émission. On va commencer par une question toute bête. Qu'est-ce que c'est Ville d'Art et d'Histoire ? Alors Ville d'Art et d'Histoire, c'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture pour les collectivités, les communes ou les intercommunalités qui font des efforts de médiation de leur patrimoine, c'est-à-dire comment mieux l'expliquer, le montrer, etc. Ce qui donne plus concrètement naissance à un service et à du personnel. Donc à Saint-Étienne, nous sommes 8 collègues, 8 personnels qui, à travers des visites guidées, des éditions, des ateliers scolaires, des conférences, des projets avec des associations, des centres sociaux, etc., eh bien, on essaie d'expliquer partie par partie de notre histoire et du patrimoine, ce qu'était Saint-Étienne, voire même un peu au-delà de Saint-Étienne. Donc c'est avec quel espace en fait que Ville d'Art d'Histoire travaille ? C'est au niveau de l'agglomération, c'est au niveau de Saint-Étienne Métropole, un peu plus large ? Alors depuis 2001, c'est la ville de Saint-Étienne qui est labellisée, c'est-à-dire que le service il agit dans les limites communales, mais depuis 2019, donc ça fait bientôt depuis 5 ans, on travaille à élargir ce label, c'est-à-dire à pouvoir promouvoir le patrimoine non pas seulement de la ville de Saint-Étienne, mais également des 53 communes que compte la Saint-Étienne Métropole. Donc ce projet sur le logement ouvrier, eh bien, il concerne toutes les communes du bassin stéphanois, donc Vallée de l'Ondaine, Vallée du Gier, Saint-Étienne et ses alentours, et pas seulement les quartiers stéphanois. Et quel a été le déclencheur justement de cet intérêt pour la question du logement ? Alors il y en a plusieurs, il y en a des conjoncturels et puis certains sont plus réfléchis. Le conjoncturel, c'est notre connaissance avec le GREMOS et puis avec Maurice et les deux parties qui n'en font qu'une. D'ailleurs, leur intérêt, c'est ce qui tourne autour de la mémoire ouvrière et le logement ouvrier en fait partie, on en a discuté. On s'est dit que ce sujet était intéressant. Et puis plus structurellement, on est en phase donc, d'extension du label sur le pays, donc, comme je viens de le dire, c'est-à-dire qu'on a rédigé un projet scientifique et culturel sur les 10 prochaines années qui a été soumis au ministère de la Culture. Et il fallait, dans ce projet-là, pouvoir donner des clés de compréhension du territoire. Donc il a fallu choisir différents sujets. Donc il y a le monde agricole, il y a l'architecture remarquable, il y a le sport, il y a l'eau. Et on a également choisi le logement ouvrier, le logement de nos ouvriers du territoire, parce que mis bout à bout, tous ces sujets, ça nous permet de nous faire comprendre notre histoire et l'identité, l'ADN de la région stéphanoise. Alors on pourrait croire parfois que ce passé ouvrier, il est un petit peu caché, pour ne pas dire un peu honteux, avec tous les effets que la désindustrialisation a eu sur l'économie régionale. Donc comment on peut se dire que le logement ouvrier est une porte d'entrée qui non seulement intéresse les acteurs du monde de la culture et du patrimoine, mais qui va aussi intéresser un plus grand public, et notamment pour aller en autonomie découvrir ce qui finalement est très familier et qu'on ne regarde pas avec un regard intéressé par justement quelle est l'histoire de ces pierres, de ces maisons, etc. Alors la première chose, c'est qu'un service comme le nôtre, une ville d'art d'histoire ou un pays d'art d'histoire, on est là pour donner du sens. C'est-à-dire que tout le monde, dans notre vie quotidienne, dans nos promenades, enfin dans tout ce que l'on fait, on voit des choses, on parcourt des rues, des paysages, etc. Mais souvent sans comprendre ce que l'on voit, parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on n'a pas la formation, on n'a pas les idées, etc. Donc nous, notre but, c'est donner les clés. Et l'exemple du logement ouvrier en est un bon exemple. C'est-à-dire qu'après avoir lu ce fascicule, cette brochure, peut-être aussi après avoir suivi quelques visites guidées qui sont sur ce sujet-là, on pourra repérer qui du logement patronal, qui du HBM, qui de l'immeuble de rapport, de la cité jardin, etc. Parce qu'on aura été éduqué, entre guillemets, à reconnaître et à comprendre ce logement ouvrier qui revêt plusieurs formes, mais je suppose qu'on y reviendra. Ensuite, l'autre intérêt d'aborder ce sujet, c'est que une bonne partie du développement de la région stéphanoise a reposé quand même sur l'industrialisation des 19e et 20e siècles, donc la mine, la métallurgie, la verrerie, le textile, etc. Enfin, c'est principalement eux. Donc on peut parler de cette histoire par le biais de la production, des usines, on peut parler par ce biais-là de la circulation, des voies de transport, parce qu'il a fallu acheminer les matériaux, exporter les produits finis, etc. Mais il y a une autre manière aussi de voir ça, c'est que cette industrie, c'était une industrie de main-d'œuvre. Donc il a fallu des dizaines, voire des centaines de milliers d'ouvriers sur deux siècles. Et puis ces ouvriers, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aient des loisirs. Bon, ça, on s'en est pas trop occupé. Par contre, il fallait bien également qu'ils logent quelque part. Donc en fait, le logement ouvrier, ça nous permet d'attraper la chose industrielle, l'histoire industrielle, par le biais plus personnel de l'ouvrier. Et donc, oui, une porte d'entrée qui peut toucher de manière un peu plus intime, un peu plus personnelle, justement, les habitants actuels de la région stéphanoise au sens large, qui ne sont pas forcément des férus de livres d'histoire, mais qui au moins peuvent expérimenter de manière sensible, en partie, ce passé, ce récit, et mettre ça en articulation avec pas mal d'histoires, de récits familiaux aussi, auxquels on ne donnait pas forcément toujours du sens. De manière très, très formelle, très précise, après on s'intéressera un peu plus à ce qu'il y a dans ce parcours, dans ce guide. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'objet, les contraintes et comment il a été pensé, comment il s'inscrit dans une lignée d'autres petits guides qui ont été publiés, et puis en précisant aussi que c'est gratuit, c'est important je pense pour le grand public. Alors, vu qu'on travaille avec un label, en fait, nos produits sont chartés, c'est-à-dire qu'on obéit à des titres de collection qui sont les mêmes partout en France. Et au niveau des éditions, on en a deux types. Une édition payante, les Focus, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais également on a une édition qui est gratuite. C'est ce qu'on appelle les parcours. Donc parcours, c'est un terme qu'on peut employer sur plusieurs sujets. Ça peut être un parcours à pied, etc. Nous, le parcours, c'est une édition, c'est une brochure qui est entre 32 et 36 pages, qui est gratuite, effectivement. Faut pas l'oublier. Le principe, c'est d'expliquer, donc avec ces quelques pages, c'est pas grand-chose, hein, 32-36 pages, c'est vite lu, ça peut être vite écrit, mais justement, vite écrit, ça veut dire qu'il faut être synthétique, et ça, c'est difficile, mais on y est arrivé. Ça se décompose toujours en à peu près trois parties. Les deux premières, c'est, on va dire, le contexte historique. En gros, c'est un petit livre d'histoire. Sur les deux premières parties, c'est deux, trois premières parties, je me rappelle plus combien on en a fait ici. Mais ce qui est important, c'est la dernière partie du parcours, c'est une invitation à aller visiter, c'est-à-dire se rendre sur les lieux soi-même, ou alors on reste sur son canapé et on le lit. C'est-à-dire qu'on a 10 à 12 notices de lieux précis, donc en l'occurrence c'était du logement ouvrier, on a fait d'autres sujets. Donc c'est une sorte de guide autonome de visite qui invite les gens à visiter, voyager soit de chez eux, soit vraiment à aller sur place, puisqu'on met même les adresses. C'est vrai que maintenant, on peut simplement aller sur un célèbre moteur de recherche qui a une extension pour aller directement dans les rues. Et on peut aussi, effectivement, de son canapé, voir un certain nombre de traces, même si évidemment il faut toujours mieux être sur place pour avoir les éléments principaux. Dernière petite question avant d'aller sur Maurice, où est-ce qu'on peut le trouver ce parcours? Alors le premier lieu incontournable évidemment, c'est la Maison du Patrimoine et des Lettres, puisque c'est notre lieu à nous, entre guillemets, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire que c'est un lieu qui vous explique la ville. Alors attention, la ville de Saint-Étienne, mais c'est aussi notre espace où on peut réserver des billets, et c'est là où nous présentons et où le public peut se procurer nos publications. Vous pouvez aller également à l'Office du Tourisme, vous pouvez le trouver sur les sites internet de Saint-Étienne Métropole et de la ville de Saint-Étienne, et puis dans les communes qui sont concernées par le sujet, donc en l'occurrence c'est toutes les communes des Fonds de Vallée, Ondaine, Gier et région stéphanoise. Bon, donc déjà on sait que c'est n'importe qui peut le trouver assez facilement, donc ça c'est quand même déjà un très bon point, sous forme, donc que ce soit papier, soit numérique. On va s'intéresser maintenant un peu plus à la manière dont il a été fabriqué concrètement. Et Maurice, tu vas nous dire un petit peu comment, justement, on construit un guide de présentation du patrimoine et de suggestion de balade sur la thématique du logement ouvrier. En plus, tu avais une petite expérience en la matière. Je t'en prie, vas-y. Oui, il ne faut surtout pas croire qu'on découvre tout d'un coup l'eau chaude. Mais le sujet du logement est quelque chose qui est intrinsèque à la connaissance de la ville. Beaucoup ont appelé Saint-Étienne une ville champignon, et à partir de là, la préoccupation, ça a été de voir pourquoi cette ville a grandi aussi vite, dans quel mode elle a grandi, pour quelles raisons, comme tu le disais tout à l'heure, et puis quelles sont ses caractéristiques. Et là, il faut avouer que nous sommes beaucoup aidés par ceux qui ont travaillé avant nous, notamment à l'école d'architecture, le fameux trio Bonilla, Thomas et... Oui, donc les universitaires de l'école d'archi. Bien sûr, qui ont fait quatre ouvrages remarquables, plus cartes et plans. Et puis, bien évidemment, il faut nommer ceux qui ont fait une thèse, c'est-à-dire Jean-Paul Burdi sur le quartier du Soleil, et puis évidemment Christelle Morel-Journel sur l'ensemble des mines de la Loire et des modes d'habitat notamment. Mais il y a aussi Paul Vieille qui a fait un remarquable travail de sociologie. Il y a également Renaud Lanier, etc. Alors, à la question que tu posais, je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire les archives que l'on trouve dans les lieux spécialisés, les ouvrages qui ont été écrits vont nous permettre à nous tous, d'accéder à la connaissance. Parce que ce monde est extrêmement fluctuant. Le logement, il se crée, il disparaît, et il est renouvelé d'une façon ou d'une autre. Donc la nécessité, c'est d'aller sur le terrain. Et quand on va sur le terrain, on rencontre les habitants, et notamment des retraités. Et ces personnes ont souvent des choses absolument étonnantes à nous raconter sur à la fois leur propre vie, mais aussi sur l'existence du monde ouvrier qui a travaillé dans l'usine d'à côté, mais également sur les transformations qui sont en cours, dont parfois ils souffrent, dont parfois ils se réjouissent. Voilà, je dirais que aller sur le terrain est le pendant de ce que l'on peut faire en matière de connaissances archivistiques et connaissances des travaux qui ont été réalisés. Donc c'est comme ça qu'on remplit le texte progressivement de ce parcours, mais il faut ajouter qu'il y a une chose très importante dedans et qui en fait aussi toute la valeur, c'est l'aspect iconographique. On a beaucoup d'images, beaucoup de photographies, et notamment ce sont des clichés qui vont soit faire revivre des bâtiments qui ont pour beaucoup disparu, ou qui vont nous permettre de nous représenter ces logements, cet habitat, avec leurs habitants aussi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ces ressources d'images qui font plus qu'illustrer le parcours ont été non seulement trouvées, mais aussi sélectionnées. Bon, d'abord Maurice, et puis Grégory pourra ajouter. Oui, évidemment, le photographe, à sa manière, devient un historien quand il nous laisse des traces d'un passé qui a beaucoup évolué ou même qui a disparu. Et la difficulté, c'est qu'un photographe est un propriétaire, est un artiste propriétaire de ses œuvres. Et sur le moment, je savais très bien où je voulais m'adresser, mais il n'était pas dit que nous ayons la capacité de les convaincre, de nous accompagner. Et là, je crois qu'on doit beaucoup à Grégory, parce que il a fait parler la solidarité de recherche et la solidarité citoyenne. Alors effectivement, au niveau des photographes, il y en a, on va dire, deux catégories, nos très proches contemporains, puisqu'on a fait une campagne nous-mêmes, une campagne photographique, donc menée par Maurice et puis par ma collègue Mireille Griveaux, qui s'est occupée de la coordination de l'ouvrage. Donc il s'agit de Pierre Grasset, qu'on connaît largement et qu'on fait travailler très régulièrement dans toutes nos éditions. Donc lui, Pierre Grasset, le fait social, ça l'intéresse. Donc ce sujet, il était content de pouvoir le couvrir, c'est-à-dire qu'il a passé, je pense, deux ou trois bonnes journées sur le terrain, à arpenter les différents lieux de cité ouvrière ou de lieux d'habitat ouvrier. Et ça donne, on va dire, la majeure partie de nos illustrations, sachant qu'on en a publié peut-être un dixième de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, en fait, on alimente une sorte de banque de données qui sera peut-être utile pour les futurs chercheurs dans quelques années, même si ce n'était pas le but, mais finalement, on y contribue aussi sans le vouloir. Et puis, l'autre catégorie de photographes, c'est ceux qu'on a recherchés d'une manière plutôt historique dans les archives. Donc, on a le fonds des archives municipales qui était précieux, mais les archives municipales concernent largement Saint-Étienne et à peine au-delà, sauf exception et coup de chance. Par contre, on a eu deux photographes qui n'étaient pas dans le fond des archives, l'un qui est plutôt local, l'autre qui ne l'est pas du tout, qui nous a permis d'illustrer et de comprendre comment ça avait déjà été étudié et photographié à l'époque. Donc, je pense que tu fais allusion à Paul Salès, qui est appartenu à la campagne de recherche de sociologues qui sont venus en 1954 et qui ont travaillé pendant 3 mois au Chambon-Feugerolles. Et évidemment, quelle chance, parce que l'étude menée par Paul Vieille est une étude en 4 volumes, mais le texte qui se trouve dans ces 4 volumes est parfaitement illustré, quand on les maîtrise bien, par la centaine de photos que Paul Salès a prises et pour laquelle Ville d'Art d'Histoire a eu l'autorisation de publication. Alors, ces photographies sont actuellement conservées au ministère de la Transition écologique, parce qu'à l'origine, Henri Salès, c'était le photographe du ministère de la Reconstruction entre 1945 et 1977, et il a fait son reportage sur 4 lieux différents en France. Donc il y a eu le Chambon-Feugerolles, je crois que c'était en 1953. Il y a eu également Rouen, le petit Quevilly et Montreuil-sous-Bois, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un panorama de la France accompagné d'une enquête sociologique, comme tu en as parlé, c'est-à-dire que finalement, le Chambon-Feugerolles, si ça a été choisi, c'est que ça comptait à l'époque. Et c'est pas pour rien. Donc on est plutôt content de pouvoir voir des photographies de l'époque avec les habitants, parce que Henri Salès, il photographie les bâtiments, mais également les personnages, les loisirs, les rues, les parcs, etc. Donc on voit le quotidien des ouvriers et des gens qui les accompagnaient. Alors juste pour signaler, ce sont des photos qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Transition écologique, et qui, donc si les reproductions ne sont pas libres, leur consultation, elle, l'est. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est assez fascinant comme vision. Il y avait un autre photographe aussi, peut-être, à citer. Eh bien, Ito Josué. Alors, Ito Josué est un photographe professionnel qui était commerçant dans la Grand Rue, à la hauteur de l'université actuellement. Mais c'était son gagne-pain. Mais en fait, lui-même ne vivait que pour les promenades, les balades qu'il pouvait faire dans l'agglomération, et il était particulièrement attiré par le monde ouvrier, il faut le reconnaître. Et dans un premier temps, ces photos ont été faites, on a attiré l'attention sur ces photos grâce à la médiathèque de la Ricamari. C'est là que je les ai découvertes et que progressivement, eh ben, j'ai pu en découvrir d'autres. Et ça a été un grand plaisir que l'on puisse mettre quelques photos d'Ito Josué, d'autant que sa famille est extrêmement ouverte à toutes les occasions qui permettent de le faire connaître. Donc on va se promener, alors pas à la Ricamari, mais on va rester à Saint-Étienne. Et avec Roland Roche, on va aller au Panassa. Il est un endroit dans le vieux Saint-Étienne où vit et se meut la race plébéienne. Du vrai gaga, du vrai gaga. C'est le coin des gueux que viennent les moustilles faire le marcourette près de la Bastille. Au Panassa, au Panassa. Secret par-dessous, creusé par la mine. Vers les fonds de remont, sûrement sa chemine. On verra ça, on verra ça. Toutes les maisons ont quelques lessardes. Les salons sont moins nombreux que les mansardes. Au Panassa, au Panassa. La soupe dans le bichon est le cul par terre. Sans peur de se moisir le train de derrière. Il faut voir ça, il faut voir ça. On y voit des gueules assis devant la porte, regardant passer les gens de toutes sortes. Au Panassa, au Panassa. On y voit passer des commis de bar, mineurs ou gaffiants, employés de gare. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. On y voit passer aussi des claqueuses, des passementiers et des enfileuses. Au Panassa, au Panassa. On tombe des pavés, on y voit des gosses. Au moins ces matrues sont assez précoces. Chacun sait ça. Chacun sait ça, en se gibattant pour que rien ne se perde. Très facilement, chacun de son merde. Au Panassa, au Panassa. S'ils ont plus d'amour, d'argent dans la poche, les gens sont spirés, se marient à la cloche. N'empêche pas ça, n'empêche pas ça. Que l'on s'aime tout de même et tout à la douce. L'un va l'autre bien, là pourquoi ça pousse. Au Panassa, au Panassa, au Panassa, au Panassa. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission du Grémos consacrée au logement ouvrier. Et nous retrouvons tout de suite nos invités. Ils sont bien connus, le Panassa, d'un anonyme. Il n'est pas possible de vous dire quel est son auteur. Alors, peut-être faut-il préciser que ce fameux Panassa est le plus ancien quartier de Saint-Étienne. C'est le quartier de Tarentaise. Comme on l'entend, c'est un quartier vétuste. Et il y a un passage où on vous indique que les murs sont lézardés et que dans ces maisons, il y a des mansardes. Et oui, même les mansardes étaient occupées. C'est évidemment un quartier populaire. Alors on s'en rend compte à travers tous les couplets. On mange la soupe sur le trottoir, on parle le gaga. Et puis, on y voit passer la galerie de tous les petits métiers de Saint-Étienne. Les mineurs, les agents d'octroi. Alors, c'est ce qu'on appelle les gapiens. Hein, les employés de gare, les clapeuses, les passementiers, les enfileuses, etc. C'est magnifique, hein, c'est la galerie des métiers de Saint-Étienne qui défile. Ce quartier était réputé par ses cafés et par ses garnis. Et beaucoup de main-d'œuvre nord-africaine logeait dans ces garnis et entretenait des rapports très amicaux avec le propriétaire parce qu'ils en avaient besoin. Ils avaient besoin du propriétaire pour lire leur fiche de paye et pour leur demander comment, dans la vie de Saint-Étienne et dans la vie du métier, ils pouvaient se comporter. Comment ne pas oublier les photos de Léon Le Ponce qui nous montre les garnis de la rue de la Barre. Eh bien oui. Et puis ces garnis, eh bien, nous les retrouvons également rue Roanel, etc. Et vous savez que ce quartier maintenant n'existe plus. Dans les années 70, eh bien, il a été détruit, heureusement, hein, et remplacé par des immeubles modernes. Justement, j'en entends le mot garni. Je pense qu'il serait le temps maintenant de faire un petit peu la liste, le tour de ce que sont les types de logements, d'habitat que on a l'habitude de ranger sous la catégorie de logements ouvriers. Donc déjà repréciser un peu ce que sont les garnis aussi et puis quels sont les autres types d'habitat qu'on peut trouver. Oui, Antoine, on pourrait peut-être mettre hors catégorie les maisons de rapport parce que ces maisons de rapport sont bien des maisons destinées aux ouvriers, mais on n'y prête pas attention parce qu'elles constituent aujourd'hui l'image de la ville. Or, on sait qu'en 1900, ces maisons de rapport constituaient 58% des maisons de Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison de rapport ? C'est tout simplement ces maisons qui ont 2, 3, 4 étages, qui ont un alignement selon le dessin de Dalgabio, tracé par Dalgabio, le dessin avec des rues qui se coupent en angle droit, avec des murs en grès ou en mâche fer qui est cimenté de chaux ou cimenté de sable frais, et qui ont été construits par les petits patrons, par les fonctionnaires, par les instituteurs, par les artisans, et parfois même par certains ouvriers, pour avoir des locations et pour se dire que dans le futur, ben, ils pourront vivre de leur location. Donc, paysage tout à fait important dans cette typologie, mais disons que cela est tellement habituel qu'on y prend peu garde. Alors, typologie, ben, oui, en premier, on peut commencer par le type le plus simple, c'est-à-dire ces maisons jointives à un étage de construction patronale et qu'on retrouve relativement peu, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains lieux, peut-être pourrons-nous en parler. Autre type de maisons, ce sont ce qu'on appelle les casernes. Alors, le mot surprend, évidemment, c'est tout simplement parce que on peut considérer que les grands couloirs qui se trouvent à l'intérieur de ces immeubles à étages et qui desservent des pièces ressemblent beaucoup aux logements des militaires. Et on a aussi les logements pour célibataires. Et là, dans le logement pour célibataires, si on regarde bien, il y aura des logements pour les hommes. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des logements pour les femmes qui travaillaient dans le textile. C'est ce qu'on appelait autrefois les usines couvents, dont il reste des exemplaires aujourd'hui. Bien entendu, alors, ce qui est dans la représentation classique des Stéphanois, ce sont ce qu'on appelle les cités ouvrières. Et là, il y a un certain nombre de cités ouvrières sur lesquelles on pourra revenir. Il existe les maisons à étages de type HBM. Donc, ce sont des maisons qui sont un peu plus soignées et qui ont été construites souvent à l'initiative patronale. Les castors, alors là, bien entendu, les castors, ce sont des ouvriers qui ont eu le souci de se dire « Nous voulons devenir propriétaires et nous allons construire nous-mêmes notre logement. » Et puis, j'ajouterais volontiers, parce que je n'en ai pas parlé dans la brochure, parce qu'il fallait faire bref, parce qu'il fallait aller directement aux représentations que l'on a, j'ajouterais volontiers les colonies industrielles. Et là, je pense qu'il faut qu'on s'en explique de ce terme. On va avoir l'occasion d'y revenir juste après. Par rapport à l'ensemble de ces types, Est-ce qu'on les retrouve de manière à peu près homogène dans toute la région stéphanoise, ou est-ce qu'il y a quand même des types d'habitats qui sont plus dans certaines vallées, notamment Ondaine ou Gier? Voilà, est-ce qu'on a une tendance justement à une concentration de ces types d'habitats à un endroit ou à un autre? Alors, les castors, on en trouve dans toutes les communes. Je dirais que ça serait plus facile de dire quelles sont les communes où il n'y a pas eu d'initiative castor. Pour les autres, eh ben, je crois qu'il faut repérer les lieux de forte industrie. Là où il y a eu forte industrie, là où il y a eu un patron avec un emploi important d'ouvriers, alors nous avons des types de logements qui ne sont pas toujours les mêmes, effectivement. C'est ça qui est intéressant. Il semblerait que l'Ondaine soit un peu plus... Alors aujourd'hui, parce que ça s'est transformé, ça a disparu, ça vit toujours, hein, ce parc immobilier, il semblerait que quand même dans l'Ondaine, il y a un peu plus de logements ouvriers qu'ailleurs, mais c'est à prendre avec des pincettes, et c'est lié aussi aux grosses entreprises. Plus il y a une grosse entreprise type Aciérie de la Marine, type Holzer, ou alors une industrie très très très dominante comme la mine à Roche-la-Monnière, où si on ne loge pas, on a des problèmes de main-d'œuvre. Effectivement, c'est aussi, enfin, ce sont des raisons pour lesquelles le logement ouvrier apparaît, s'est maintenu jusqu'à nos jours. 6000 ouvriers chez Holzer. 6000 ouvriers, 6500 ouvriers à Saint-Chamond, dans la métallurgie. 4500 mineurs à Morhambert, la Bérodière Morhambert. 25 000 mineurs sur l'ensemble du gisement, mais comprenons bien que c'est essentiellement la vallée de l'Ondaine et Saint-Étienne. Et là, à tous les coups, se greffent les grandes organisations de logement de type cité. Donc, Grégory parlait de la vallée de l'Ondaine. Oui, parce que ce sont les deux entreprises minières, la compagnie des mines de Roche-le-Molière et Firmini et Morhambert-la-Bérodière, et ce sont Holzer, et du côté Saint-Chamond, c'est les forges et Terre-Noire. Saint-Chamond et Terre-Noire. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le problème de faire habiter, de loger ses ouvriers, ça a été un problème qui n'a jamais été résolu. En fait, on a toujours couru après le problème. Comme Maurice le disait, la première étape pour loger les ouvriers, c'était l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est fait pour loger, mais pas les ouvriers, c'est fait pour loger tout le monde. Mais il se trouve que, vu qu'on avait beaucoup d'ouvriers, ben, ils ont trouvé à se loger là-dedans. Mais c'était pas les ouvriers ont logé dans un logement qui n'était pas ouvrier. Mais c'est ainsi. Et après, il a fallu toujours, après la deuxième étape, c'est le logement patronal. Et si le patron a logé ses ouvriers, c'est pour une partie pour des belles idées, progressistes, sanitaires, religieuses, etc. On a des exemples avec Holzer, Barouin, Pétain et Godet à Saint-Chamond, mais c'est aussi également pour des buts très utilitaires et économiques. Qui sont déjà fixés la main-d'œuvre qui était parfois rurale, donc qui bougeait. Et c'est des industries de main-d'œuvre. S'il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de production. Donc il faut absolument avoir des ouvriers. Éviter la concurrence entre les industries, notamment entre la mine et la métallurgie. Cette dernière avait tendance à pomper un peu dans l'effectif minier, donc les entreprises minières ont eu tendance à faire construire. Et puis également, avoir un parc immobilier à destination de ces ouvriers, c'était une manière aussi de les tenir, d'un point de vue, on va dire, social, mais également de se construire un capital, parce que si la conjoncture économique fait que l'entreprise va moins bien, on a toujours une sorte de capital dans la pierre qui permet au moins d'avoir certaines liquidités en cas de besoin. Donc c'est pour toutes ces raisons que le patronat a, dans une deuxième étape de notre histoire du logement ouvrier, fait construire. Mais ça a toujours été, faut pas mythifier cette histoire. C'est-à-dire qu'on restait quand même dans le monde ouvrier, où on rigolait pas tous les jours, où c'était pas confortable. Ça a évité le pire, mais ça n'a pas engendré le meilleur. C'est quand même un monde qui a eu des difficultés toute sa vie. Et c'est vrai que de notre point de vue, on a plutôt tendance, mais on l'a évité quand même dans le livret, à faire de cette époque une époque dorée, ce qui n'était pas le cas quand même. mais ça a permis à des générations de familles d'ouvriers de pouvoir vivre. C'est vrai que ça s'articule avec une chronologie de l'industrialisation, de l'urbanisation qui explique aussi pourquoi dans le titre du parcours logement ouvrier, on a précisé comme date 1806-1954. Donc on part vraiment des débuts de cette épopée industrielle et de cette croissance urbaine qui va être très mal maîtrisée et à une époque au 19e siècle où les acteurs publics, les municipalités ne sont pas du tout investis dans ce genre de problématiques et qui va être un peu plus connu sur l'époque justement des habitations à bon marché. Toute la législation qui se met en place à partir, on va dire, de 1894, avec différentes lois, je ne vais pas faire toute la liste, mais où en tout cas, petit à petit, l'État va inventer des mécanismes pour financer un logement qui ne soit plus un logement seulement patronal, mais qui va susciter l'engagement des élites économiques au sens large, plus tard des municipalités ou des départements. Et c'est une chronologie donc, qui a été étendue jusqu'en 1954, le moment où l'État met vraiment en place les instruments qui vont aboutir à des constructions industrialisées et à ce qu'on appellera en général les grands ensembles, qui sont un peu une autre partie sur laquelle le parcours ne fait qu'effleurer, qu'évoquer rapidement. Tout simplement, par rapport à ce parc immobilier qui s'est développé, donc sur les explorations que vous avez faites, quel était l'habitat ouvrier le plus ancien qui soit encore debout aujourd'hui, dont on trouve encore trace aujourd'hui ? Ah oui, question passionnante. Eh bien oui, nous avons le plus ancien logement ouvrier au bas de la vallée du Cotatay, au niveau de la scierie Jourjon. On peut encore se déplacer et l'admirer, bien que les nouveaux propriétaires ne tiennent pas à ce qu'on pénètre à l'intérieur, hein, mais c'est tout à fait normal. Ce sont 6 maisons jointives. Quand je dis maisons jointives, cela veut dire que l'on a construit à l'économie, parce qu'il n'y a qu'un mur de commun entre deux maisons qui se suivent. Ces maisons ont été construites selon un plan de maison rurale alsacienne. Pourquoi ? Parce que c'était la famille Holzer qui était là et les ouvriers étaient eux-mêmes des Alsaciens. Pourquoi l'avoir construit à côté de la forge, à côté de la scierie ? Il y a eu un choix remarquable qui a été fait et j'insiste là-dessus. Ces maisons ont été construites face à la forge qui est composée de 3 martinets qui sont eux-mêmes animés par un bassin d'eau, l'eau du Cotatay. Ce bassin d'eau doit être rempli pour que les martinets se mettent en fonction. La forge est un métier du feu, c'est-à-dire que quand le métal est rouge, c'est le moment de le traiter. On ne peut pas se permettre d'aller chercher ses ouvriers à 1 kilomètre dans la ferme voisine, enfin dans une ferme qui est là-bas, ou dans les banlieues du Chambon-Feugerolles. C'est la cloche qui sonne qui permet aux ouvriers de se réveiller et d'aller précipitamment travailler au pilon. On a effectivement une invitation à aller dans cette vallée du Cotatay, qu'on pense plutôt une vallée religieuse qu'une vallée industrielle, mais faut pas se méprendre là-dessus. Dans toute votre campagne d'exploration, finalement, quel est le logement, l'habitat le plus exceptionnel, celui qui vous a le plus laissé sans voix, que vous avez pu visiter, croiser ? Ah, je ferais bien une proposition. Les maisons de Verriers, de Rive-de-Gier, de la rue Richarme. C'est tout à fait inattendu que l'on ait encore aujourd'hui conservé ces types de maisons qui sont des maisons avec les coursives apparentes, 2 escaliers montants, chaque coursive dessert 2 appartements et tout cela à l'air libre. C'est-à-dire que lorsqu'on est rue Richarme et que qu'on se promène sur 70 mètres, l'on aperçoit 4 maisons de ce type-là. Or, les questions que tu posais tout à l'heure, Antoine, en essayant de voir quelle connexion il pouvait y avoir entre le logement et l'usine, c'est l'évidence même. L'usine Richarme, eh ben, elle se trouve à l'emplacement du supermarché qui se trouve de l'autre côté de la rue. C'est une immense usine de 1000 ouvriers. Et c'était la même chose. Le verre est une entreprise du feu. C'est-à-dire que quand la pâte de verre était prête, il fallait que l'ouvrier soit là. Et de le loger sur place, c'est plus pratique. Alors, réaction saine que vous allez avoir. Comment, dans ces quelques bâtiments, peut-on loger ? Non, mais il y avait d'autres bâtiments de chez Richarme, notamment dans la rue qui est voisine et qui monte, la rue de Pressensé, où là, on a un type d'habitat collectif, je n'appellerai pas caserne, un type d'habitat collectif qui habitait 350 personnes, ouvriers. Alors là, ça compte, ça commence à compter. Mais toute la ville de Rive-de-Gier était une ville qui était tournée vers le travail du verre, et d'autres verreries se trouvent de l'autre côté du Gier de la même façon. Maison intéressante, parce que si on se trouve du côté du Gier, on découvre une autre face des maisons Richarme. La face, comme on l'évoquait tout à l'heure, de l'habitat difficile, de l'habitat sans confort, puisqu'on voit encore les traces des toilettes et on voit aussi les traces des vies d'ordures qui se dirigeaient directement dans le Gier. Grégory, rapidement, une belle surprise dans toute cette campagne d'exploration. La cité des Combes au Chambon-Feugerolles, qui est un petit peu à l'écart de la ville, mais très proche de l'industrie minière. Ça doit être relié à l'industrie minière, Maurice me le confirmera. Bien c'est sûr. Dans un écrin de verdure, c'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a encore une ferme actuellement qui est juste à côté du lotissement, si on peut appeler ça un lotissement. Alors, c'est pas du logement idéal, parce que c'est quand même du logement modeste, bon marché, même si ce n'était pas le bon terme, hein, on n'était pas dans les HBM, mais c'est quand même petit et sans confort à l'époque. Et souvent, enfin parfois, actuellement, les habitants ont réuni deux logements pour agrandir l'espace de vie. Par contre, souvent, ils ont complètement transformé. Donc là, on va peut-être en parler dans la dernière partie de l'émission. C'est qu'est-ce qu'on en a fait ? On a fait ce qu'on a pu parfois. Mais la Cité des Combes, une belle découverte. Bon, déjà quelques suggestions pour nos auditeurs. Une petite pause musicale avant la dernière ligne droite avec Benabar. Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtement par vêtement. Petit à petit, et vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris, les apparts sans espace, alors qu'ici, y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures, finis tes devoirs. Il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Chanson inattendue de Benabar, les murs et un toit. Et oui, la maison, support de souvenirs à tous les âges de la vie. Et nous nous en sommes rendus compte. Chacun façonne son présent et rêve de son avenir. Et là, vous avez entendu le jeune couple qui s'endette, les enfants qui naissent, les ados qui ne se supportent plus dans la maison. Et puis après, les petits-enfants et la mise en vente. Magnifique chanson que je découvre, mais qui apporte un élément poétique à tout ce que nous avons découvert. Et puis une mise en perspective assez pertinente entre un passé qu'il ne faut pas trop héroïser malgré le dur labeur de ces travailleurs, et un présent entre le risque de fétichiser, de sacraliser un habitat qui, par son évolution, n'est pas forcément amené à rester dans son ensemble, et en même temps un enjeu de la mémoire, mais également de que faire de ce patrimoine immobilier, de ce patrimoine culturel. Et donc pour cette dernière partie de l'émission, je voudrais qu'on aille vraiment sur cette question de l'actualité, des enjeux patrimoniaux actuels autour de ce bâti. Et on peut commencer un peu par l'axe de la fragilité de ce bâti. Je pense que ces visites de terrain ont été l'occasion de voir ce qui était évoqué juste avant, à quel point parfois c'est un patrimoine qui ne pourra pas être sauvé ou qui ne doit pas l'être. Alors effectivement, c'est un patrimoine qui a pour partie disparu, mais alors comparativement aux unités de production, aux usines, ça va, mais il y a eu quand même des démolitions. Il y en a une d'ailleurs qui est d'actualité, qu'on a mis en avant dans le parcours. C'est la cité Holzer à Fraisse, construit par l'entreprise Holzer, donc c'était pas Jacob Holzer, hein, c'était bien plus tard, c'était au début du XXe siècle, que l'entreprise a fait construire une bonne dizaine de petits immeubles collectifs. D'ailleurs, la mairie actuelle est un immeuble construit à cette occasion-là, mais la mairie de Fraisse a été rénovée, donc elle ne risque rien. Mais tout autour, il y a déjà eu des démolitions il y a une dizaine d'années par le bailleur social, qui est propriétaire de l'ensemble, et quand il a démoli, il a reconstruit immédiatement, mais selon les canons architecturaux et du BTP de maintenant. Il en reste peut-être 6, 7, 8 actuellement, qui ont fait l'objet d'un permis de démolir, qui est bloqué pour l'instant, puisqu'on nous sommes dans le périmètre de protection monument historique du château d'Orient, le château de Fraisse. Ce qui est paradoxal ou pas, en fait, c'est que c'est le château du patron qui a pour l'instant empêché la destruction des maisons des ouvriers. Mais ça reste quand même un sujet d'actualité. Il y a des choses qui disparaissent, alors que ces maisons-là sont d'une qualité architecturale certaine. On y voit la patte alsacienne, puisque Holzer était venu d'Alsace dans les années 1820-1830. Et on voyait bien la filiation. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention à l'identité qu'on fait disparaître. Alors certes, le bailleur social qui aimerait démolir ses bâtiments, il largue des arguments qui sont tout à fait valables, d'isolation, de confort très, très sommaire, et qu'il est plus facile de démolir, reconstruire que de rénover. Mais il n'empêche que si ces maisons sont là, c'est que ça veut dire quelque chose dans l'histoire de Fraisse, dans l'histoire d'Unieux et de Fraisse, dans l'histoire de milliers de gens qui sont venus et qui ont vécu grâce à l'entreprise Holzer d'Orient, qui ont pu se loger à proximité, qui ont été à l'église de Fraisse construite par l'entreprise, etc. Donc il y a vraiment un ensemble cohérent à Fraisse, on pourrait dire également Unieux, mais surtout sur Fraisse, par rapport à cette entreprise. Et enlever un élément de cette question-là, ça enlève une partie de l'identité de Fraisse et ça va faire en sorte que la commune va devenir une commune comme une autre, c'est-à-dire une sorte d'uniformisation du paysage français, alors que finalement, ces maisons-là, on les trouve qu'à Fraisse et ça fait partie de la richesse de cette commune-là. Donc il y a déjà quand même un risque de disparition encore en 2023 et en 2024. Il y a un autre exemple qu'on ne va que citer, c'est à Rive-de-Gé, c'est l'ensemble du clos du Roseil, qui est dans le même état, c'est-à-dire que les gens ont été expulsés, et on se trouve face à des squelettes de maisons. Mais attention, cet ensemble a une signification très réelle et très profonde par rapport au quartier, par rapport à la ville. Donc qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de prévention par rapport à d'autres ensembles de logements qui ne sont pas encore dans cette urgence? Voilà, comment protéger, patrimonialiser un peu plus visiblement, mais sans non plus en faire une mythologie ouvrière ou industrielle sur, voilà, comment garder quelque chose qui soit plus de l'expérience sensible, réelle, des habitants, des anciens habitants de notre région, pour justement qu'on ait cette transmission qui puisse quand même s'opérer. Alors, l'agence Épure étudie ces cas depuis déjà de nombreuses années et elle instruit des dossiers sur les cités sur lesquelles on a une interrogation. Les communes ont des interrogations pour savoir dans quelle mesure il faut investir ou au contraire démolir. Il y a deux dossiers qui ont été instruits par Épure, qui ont abouti à la déconstruction. C'est le dossier d'une toute petite cité qui se trouve à Roche-la-Molière et qui est en face du collège Le Gruner. Et l'autre cité qui est bien plus connue, qui est la cité où va se construire maintenant la patinoire de Saint-Étienne au soleil, à côté de la ligne de chemin de fer. Ces deux cités, dans l'étude qui ont été faites, ont été analysées à travers des interviews des habitants qui y logeaient et à travers des diagnostics qui ont été faits par les professionnels. Et il s'est avéré qu'il n'était pas envisageable, après le diagnostic thermique, de réhabiliter ces bâtiments. Donc, vous le savez maintenant, il n'existe plus. Il y a aussi un deuxième organisme, alors que Grégory connaît bien. Cet organisme s'appelle l'AVAP, c'est l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Eux aussi travaillent sur des quartiers d'ensemble et non pas sur des cités. Et ils essayent de voir dans quelle mesure il y a des signes du patrimoine qui peuvent être préservés et qui peuvent être sur lesquels on peut alerter les communes et ceux qui prennent des décisions. Ce qui fait que quand on doit faire des travaux dans certains secteurs, eh bien, on doit déposer un permis de construire et ce permis de construire est examiné. C'est un patrimoine difficile à protéger en tant que tel parce qu'on ne va pas mettre du monument historique sur une cité ouvrière, ou alors il faudra faire attention, parce qu'on n'est pas dans le cas d'un bâtiment dont le propriétaire est au courant de ce qu'il doit faire et en a les moyens. on est sur un patrimoine modeste, construit pour des gens modestes et qui souvent sont des propriétaires modestes encore aujourd'hui, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas au courant de la valeur symbolique et ils n'ont souvent pas les moyens de pouvoir rénover avec les contraintes d'un monument historique. Donc ça, c'est pas possible parce qu'il faut quand même vivre avec les deux pieds sur terre. Par contre, comment on peut, on va dire, les préserver, c'est peut-être en essayant de faire ce que l'on fait avec cette brochure. Alors c'est tout à fait modeste, mais de leur montrer en quoi leur logement veut dire quelque chose et qu'il faut en prendre soin et qu'on, dans la mesure du possible, on évite de mettre des volets roulants en PVC ou on évite de mettre de la pelouse synthétique parce que ben, finalement, la pelouse qui pousse un peu trop, ben, c'est pas si mal, que ça participe à une certaine qualité. Voilà, des petites choses qui ne permettront pas d'éviter les bêtises, mais c'est pas grave, et ça continue à vivre et chacun d'entre nous, dans nos logements, on fait des bêtises aussi. Ça ne nous empêche pas d'essayer de les corriger. Donc on est quand même dans une sorte de volonté d'éducation, entre guillemets éducation, attention, hein, mais sans vouloir aller trop loin, parce que ça, il faut quand même qu'on y vive au quotidien dans ces cités. Donc, si on fait des choses qui sont réversibles et que ça dénature un petit peu l'histoire du bâtiment, eh ben, on en fait le moins possible. Enfin bref, il faut faire un petit peu de pédagogie là-dessus. Donc, et au-delà, pour terminer, de cette sensibilisation des propriétaires, des habitants de ces logements, pour élargir un petit peu, je sais que c'est difficile parce que c'est au milieu de cette saison consacrée au logement ouvrier, mais est-ce que vous avez déjà, à Ville d'Art et d'Histoire ou à d'autres occasions, des retours un petit peu sur cette démarche de sensibilisation et de valorisation d'un patrimoine? Est-ce que, voilà, pour terminer, est-ce qu'il y a déjà un retour citoyen? C'est une expérience que nous avons eue quand nous avons visité la cité Chavannes-Brun. Il y a une personne qui est sortie de sa maison et qui nous a dit « Ah, mais vous vous intéressez aux immeubles d'ici ? Ben, écoutez, vous rentrez, hein, très, très amicalement. » Et puis, il nous a fait monter au premier étage. Et là, découverte, dans une chambre qui n'avait jamais été tapissée et qui n'avait jamais été encollée, on va dire, peinte. On voit les mêmes bandeaux de décor à graffiti qui sont dehors et qui sont à l'intérieur. C'était la seule pièce de toute la cité qui a été conservée en l'état. Et ce monsieur était parfaitement au courant de l'intérêt qu'il y avait. Dernier élément sur l'intérêt, c'est plutôt quantitatif. On a organisé des visites guidées sur le sujet, et d'ailleurs on organise une balade sur Saint-Chamond samedi. En fait, elles sont toutes complètes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça m'a beaucoup surpris, c'est que ce sujet attire, alors on a des jauges à 25 personnes, mais pour attirer 25 personnes par visite, c'est pas souvent, et c'est le cas pour le logement ouvrier. Voilà, donc je pense que c'est une invitation à la curiosité, et c'est une curiosité qui commence par le simple fait de lever les yeux quand on se balade dans des rues qu'on emprunte tous les jours, de se poser la question de pourquoi cet immeuble-là, pourquoi cette architecture, etc. Donc vraiment, c'est une invitation à visiter soi-même en respectant quand même la propriété privée et n'entrant pas dans le domicile des gens sans leur autorisation, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ne serait-ce qu'en se baladant dans les rues, il y a beaucoup de choses à voir. Et du coup, maintenant qu'on a terminé, on va retourner sur l'agenda. Eh bien oui, l'agenda, donc là c'est la fin de l'émission. Déjà je vais aussi remercier nos invités, merci Maurice, Grégory, merci Antoine. L'agenda, donc j'annoncerai la prochaine émission donc, du Grémos, qui aura lieu le mercredi 10 janvier à 17h, ce sera la première émission de 2024. Donc. Je serai aux côtés de Michel Bouteille et de Jean-Michel Stenner pour une émission sur la reconversion industrielle du bassin minier de la Chazotte. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.